إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الذي لا ضد له والصمد الذي لا منازع له الغني الذي لا حاجة له والقوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. L'unique qui n'a point d'opposé. Le riche qui n'a besoin de rien. Et le puissant que ne vint rien qui se trouve dans les cieux et dans la terre. C'est le premier sans début et le dernier sans fin. Et c'est lui le capable de toutes choses. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa qaidana Muhammadan Rasulullah. وصفوته من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة خالقه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعينا عمياء وآذانا سما وقلوبا غلفا فالله تبارك وتعالى المسؤول أن يسلم ويصلي ويبارك على الحبيب المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى النبي المنتقى وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager, celui qui a transmis le message qui lui fut confié. C'est lui qui a prodigué de sages conseils à la communauté. C'est lui qui fut loyal envers ses engagements. Allah Jalla wa Ala éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient. Les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Allah Jalla wa Ala l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. Et par sa cause, des poitrines se sont ouvertes à l'islam. Et Allah ainsi, par sa cause, ouvra des yeux qui ne voyaient point. Et ouvra des oreilles qui n'entendaient point. Et illumina des cœurs qui étaient plongés dans l'injustice et dans l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction. à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ya Rabbi, in azumat dunubi kathraten, falakad alimtu anna afwaka a'zamu, in kana la yarjuka illa muhsinun, فمن الذي يدعو ويرجو المذنب ما لي إليك إلا الرجاء وسيلة وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الإخوة الكرام, ceci est notre 29e rencontre parmi les rencontres de cette noble série سلسلة مراحل الدار الآخرة, étape vers la demeure dernière, une série que nous avons introduite par l'explication des règles funéraires et de l'enterrement, et que nous avons poursuivi par le commentaire des petits et des grands signes de la fin du monde, alamat as-sa'ati as-sughra wal-kubra. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, évoqué et expliqué le deuxième grand signe de la fin du monde, min alamat as-sa'ati al-kubra, ألا وهو نزول عيسى بن مريم عليه من الله الصلاة والسلام, qui n'est autre que la descente de Isa, fils de Maryam, عليه صلوات الله وسلامه. Nous avions ainsi expliqué et commenté et décrit et éclairci le fait que Isa عليه الصلاة والسلام n'a ni été tué ni crucifié, et qu'il est vivant à ce moment même, et qu'il a été élevé par Allah Jalla wa Ala au deuxième ciel. Mais un problème a posé, et un problème s'est posé à certains frères en Allah, sur la vie de Isa alayhi salawatullahi wa salam. Et ce problème s'est posé lorsqu'ils ont lu la parole d'Allah Jalla wa Ala, wa idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffik, ورافعك إلي. Lorsqu'Allah a dit, ya Isa, je vais certes mettre fin à ta vie et je vais t'élever vers moi. Et ce problème s'est également posé lorsqu'ils ont lu la parole d'Allah Jalla wa Ala, en faisant parler à Isa alayhi salat wa salam, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Lorsque Isa a dit à Allah, lorsque tu mettras fin à ma vie, tu seras leur observateur attentif et tu es certes témoin de toute chose. Et alors ses frères se sont dit, et on peut se poser la question, dans ces deux versets, Allah Jalla wa Ala dit qu'il a mis fin à la vie de Isa alayhi salam. Or nous disons qu'il est vivant et qu'il a été élevé au deuxième ciel. Mais bihamdillahi azza wa jal, il n'y a aucune contradiction dans le livre d'Allah Jalla wa Ala. Car Allah Jalla wa Ala a distingué entre deux morts. La véritable mort, lorsqu'Allah met fin à la vie dans ce bas monde ad-dunya, et la petite mort qui n'est autre que le sommeil. Allah Jalla wa Ala nous dit, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. C'est lui qui reprend les âmes la nuit. C'est-à-dire que lorsque les gens sont dans leur sommeil, Allah élève les âmes. Et c'est ce qu'on appelle la petite mort. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Et il sait ce que vous avez acquis dans la journée. Et Allah nous dit également, et c'est ce qu'on appelle l'interprétation du Coran par le Coran. Allah nous dit également, اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ فِي مَنَامِهَا. Allah fait mourir, Allah prend les âmes lors de leur mort, et celles qui ne meurent pas lors de leur sommeil. Ainsi Allah a différencié entre deux morts, la mort véritable de ce bas monde, et la mort qui n'est autre que la petite mort, c'est-à-dire le sommeil. Et à la suite de ce verset, Allah nous dit, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Lorsqu'il élève les âmes, يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Il retient les âmes à qui il a décrété la mort. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Et il renvoie les autres âmes à qui il a écrit le sommeil, il les renvoie à un autre terme fixé. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et il y a des preuves dans cela pour des gens qui réfléchissent. Ainsi, Allah a différencié et a distingué entre deux morts. La véritable mort et la petite mort qui n'est autre que le sommeil. Et c'est celle à qui Allah Jalla wa Ala a envoyé Isa alayhi salam. Allah lui a envoyé la petite mort, c'est-à-dire le sommeil. C'est pourquoi lorsqu'il a dit « Inni mutawaffik » Je mettrai fin à ta vie, c'est-à-dire que je t'enverrai la petite mort, le sommeil, et je t'élèverai vers moi. Et ainsi le problème est parti. Walillahi alhamdi wal minna. Allah Jalla wa Ala a ainsi jeté le sommeil et envoyé le sommeil à Isa ibn Maryam alayhi salat wa salam. Et il l'a élevé au deuxième ciel. Et Isa vit ainsi par l'ordre, la permission et la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Et ainsi, après que Isa alayhi salam a tué Al-Masih Ad-Dajjal, et nous disons cela afin de lier les événements et afin d'enchaîner les grands signes de la fin du monde, après que Isa alayhi salam a tué Al-Masih Ad-Dajjal, les gens vivront 7 années. 7 années pendant lesquelles il n'y aura entre deux personnes aucune querelle et aucune dispute. 7 années pendant lesquelles il y aura entre deux personnes aucun conflit et aucune hostilité. 7 années pendant lesquelles les biens et l'argent seront abondants. 7 années pendant lesquelles les prières et les obéissances à Allah se multiplieront. 7 années pendant lesquelles il n'y aura aucune injustice et aucune dispute. Et il n'y aura que de la paix et de la sérénité. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala, Al-Halim Al-Hakim, celui qui est digne de grande sagesse, Alladhi yaf'alu ma yurid, celui qui fait ce qu'il désire, éprouve son prophète Isa alayhi salam, et éprouve les serviteurs croyants avec lui, d'une grande épreuve, et d'un terrible trouble, et d'une énorme catastrophe, jusqu'à Allah Jalla wa Ala éprouve son prophète et ses serviteurs croyants. Et ce n'est autre que le troisième grand signe de la fin du monde. Min alamati sa'atil kubra ala wa huwa khuruj ya'juj wa ma'juj. Qui n'est autre que l'apparition de Ya'juj wa Ma'juj. La sortie de Ya'juj wa Ma'juj que l'on appelle Gog et Magog. C'est ainsi le troisième grand signe de la fin du monde. Min alamati sa'atil kubra. Des grands signes que le prophète alayhi salat wa salam nous a énoncés dans un hadith que nous ne cessons de répéter et que nous allons répéter encore une fois de plus afin de s'en rappeler. Un hadith rapporté par l'imam Muslim. Dans son recueil authentique, dans le chapitre des épreuves et des signes de la fin du monde, selon un compagnon du nom de Hudhayfah ibn Asid al-Rifari, radiyallahu anhu, celui-ci nous dit un jour, alors que nous étions en train de nous faire le rappel, le prophète alayhi salat wa salam nous a surpris. Et il nous demanda, de quoi vous rappelez-vous? Et alors nous lui répondîmes, nous nous rappelons de l'heure, ya Rasulallah. Et alors Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam leur répondit, celle-ci ne se lèvera pas tant que n'apparaîtront pas 10 signes. Et il annonça, Ad-Dukhan, Wad-Dajjal, Wad-Dabba, Wad-Tulu'a Shams min Maghribiha, Wad-Nuzula Isa ibn Maryam, Wad-Khuruja Ya'juj wa Ma'juj. وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب ونار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم. Il annonça ainsi la fumée الدخان والدجال l'apparition de المسيح الدجال والدابة et la grande bête وطلوع الشمس من مغربها le lever du soleil à l'occident ونزول عيسى بن مريم la descente de عيسى fils de مريم وخروج يأجوج ومأجوج l'apparition de يأجوج ومأجوج et 3 tremblements de terre. ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب. 3 tremblements de terre, 1 en Orient et 1 en Occident et 1 dans la péninsule arabique. ونار تخرج من اليمن, et un grand feu qui sortira du Yémen et qui fera chasser les gens vers leur lieu de rassemblement. Tels sont les grands signes de la fin du monde que nous cessons de répéter lors de nos discours. Et ainsi parmi eux le troisième grand signe, l'apparition de Ya'juj wa Ma'juj. Et ainsi qui sont Ya'juj wa Ma'juj? Quel est ce peuple? Et quelles sont leurs caractéristiques physiques? Et pourquoi furent-ils nommés ainsi? Et sont-ils vivants de nos jours? Et s'ils sont vivants, quand est-ce qu'ils sortiront et qu'ils apparaîtront? Et s'ils apparaissent, périront-ils? Et comment disparaîtront-ils? La réponse à ces questions, ayyuhal ikhwa, n'est autre que l'objet de notre rencontre. Fa'as'alullah jalla wa ala an yarzuqana al-ikhlas wa al-sawab fi al-qawl wa al-amal wa an yubarika fi waqtina wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una al-ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Ayyuhal ikhwat al-kiram, Ya'juj wa Ma'juj sont deux communautés nombreuses et très peuplées de gens qui font partie des descendants de Adam alayhi salam et également des descendants de Yafith ibn Nuh alayhi salawatullahi wa salam. Ya'juj wa Ma'juj sont des descendants de Adam alayhi salam. Ils font ainsi partie des humains et non partie des djinns. Ya'juj wa Ma'juj sont des descendants de Adam alayhi salam et des descendants de Yafith ibn Nuh alayhi salatu wa salam. Et ceci selon al-ijma' al-ulama, l'unanimité des savants qui a été recueillie par l'imam ibn Abdilbar rahimahullahu ta'ala. Ya'juj wa Ma'juj sont des descendants de Adam alayhi salam et la preuve en est. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Allah ta'ala a dit, Ya Adam. Adam lui répond alors, Labbayka wa sa'dayk, wal khayru bayna yadayk. Allah lui dit alors, Ya Adam, sépare de tes enfants ceux qui seront destinés à aller en enfer. Adam lui dit alors, et quel en est le nombre? Allah jalla wa ala lui dit, pour chaque 1000 personnes, 999 seront destinés à aller en enfer et un au paradis. Et à ce moment-là, El Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam commente ce qu'il dit et il dit, et à cette époque, c'est-à-dire à l'époque où il y aura pour 1000 personnes 999 destinées en enfer, à cette époque, les cheveux de l'enfant deviendront blancs. وَتَضَعَ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Les cheveux de l'enfant seront blancs et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portera et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas et certes le châtiment d'Allah est dur. Et alors les compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum prirent peur et ils questionnèrent le prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, et quel sera l'homme destiné au paradis? Qui sera cet homme? Et alors le Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam répondra, réjouissez-vous, de vous proviendra cet homme, et de Ya'juj wa Ma'juj proviendra les 999 autres. Puis il dit alayhi salatu wa salam, et j'espère de la part d'Allah que vous représenterez le quart des habitants du paradis. Les compagnons diront Allahu Akbar. Puis il dit, et j'espère de la part d'Allah que vous représenterez le tiers des habitants du paradis. Les compagnons diront Allahu Akbar. Puis il dit, alayhi salatu wa salam, et j'espère de la part d'Allah que vous représenterez la moitié des habitants du paradis. Ils diront alors Allahu Akbar. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam dira, puis alayhi salatu wa salam il dit, vous êtes certes par rapport au reste des gens, tel un cheveu noir sur un taureau blanc, et tel un cheveu blanc sur un taureau noir. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, d'après ce hadith, Ya'juj wa Ma'juj sont bien les descendants de Adam alayhi salam. Et la preuve dans ce hadith est la parole où Allah jalla wa ala s'adresse à Adam et lui dit, sépare de tes enfants ceux qui seront destinés à aller en enfer. En parlant de Ya'juj wa Ma'juj. Wa al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah nous dit, Ya'juj wa Ma'juj sont deux communautés provenant des Asiatiques, venant d'Asie centrale et orientale. Et cette parole a été choisie et dite et approuvée par beaucoup de savants. Quelles sont leurs caractéristiques? Les caractéristiques de Ya'juj wa Ma'juj. J'ai écouté ce hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et par l'imam al-Tabarani et par l'imam al-Haythami qui a dit que la chaîne de transmission est authentique. Selon Khalid ibn Abdillah ibn Harmalata. Selon sa tante, radiyallahu anil jami'. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, vous dites qu'il n'y a pas d'ennemi, mais certes vous combattrez un ennemi jusqu'à ce qu'apparaisse Ya'juj wa Ma'juj, le visage large, de petits yeux, une rougeur aux cheveux, comme si leur visage était un bouclier. Naam, voici leurs caractéristiques selon la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Leur visage est tel un bouclier, leur nez est aplati et leur visage est plat. Et les savants ont dit que ces caractéristiques ressemblent et sont semblables aux gens qui habitent l'Asie centrale et orientale. Wal-Hafid ibn Kathir nous dit, rahimahullah ta'ala, et soyez attentifs à sa parole. La parole juste est que les caractéristiques de Ya'juj wa Ma'juj sont identiques à celles des enfants de Adam, des habitants d'Asie centrale et orientale. Ils ont donc les mêmes caractéristiques et les mêmes couleurs de Bani Adam. Wal-Imam ibn Kathir poursuit et nous dit, et le prophète alayhi salat wa salam nous a certes dit, Allah a créé Adam avec une longueur de 60 coudées, avec une hauteur de 60 coudées, et les gens ne cessent de rétrécir jusqu'à aujourd'hui. Et il nous dit également, quant aux caractéristiques énoncées par beaucoup de gens, à propos de Ya'juj wa Ma'juj, comme le fait que certains d'entre eux sont aussi longs que des palmiers, et que d'autres sont aussi petits qu'un grain de riz, et d'autres ont des oreilles tellement grandes qu'une oreille est utilisée comme un lit et l'autre comme une couverture. Ces paroles ne sont aucunement fondées et ne sont pas authentiques. Et ces paroles ne viennent que de la raison de gens qui ont osé prendre des paroles faibles et ils n'ont pas le droit car c'est une chose qui fait partie du monde invisible, el-Ghaib. Et ainsi, nous pouvons accepter la parole sur ce sujet que des paroles qui viennent de la parole d'Allah et Azza wa Jal ou bien celle du prophète alayhi salat wa salam. Et comme nous le dit Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah, celui qui ose prétendre ces paroles, autre que celles du Coran et de la Sunna, il aura porté et il aura prétendu des choses sur lesquelles il n'a pas de science. Et ainsi, la parole la plus favorable et la bonne réponse sur laquelle nous sommes d'accord sur cette question est que les caractéristiques physiques de Ya'juj wa Ma'juj sont normales. Leur corps et la couleur de leur peau sont simplement identiques aux habitants d'Asie centrale et orientale. Voilà ce qui est au sujet des caractéristiques de physique de Ya'juj wa Ma'juj. Une communauté très nombreuse, une communauté qui sera très peuplée, beaucoup plus importante que les habitants d'aujourd'hui. Et de plus, ils se multiplient d'une façon extraordinaire et très étonnante. Une façon impossible à croire si elle n'était pas dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wasalam. Écoute, Al-Imam ibn Hibban rapporte un hadith authentifié par Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit, celui qui a le moins de descendants parmi Ya'juj ou Ma'juj possède au moins 1000 descendants. 1000 enfants, celui qui en possède le moins, et ne meurt pas l'un d'entre eux sans qu'il ne laisse au moins 1000 de ses descendants. Imagine-toi, Ayolah, ce nombre étonnant et cette population extraordinaire. Essaye de concevoir cette population. Et telles sont les paroles d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wasalam, الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation qu'on lui inspire. Quant à leur nom, Ya'juj wa Ma'juj, pourquoi furent-ils nommés ainsi? Awalan Ya'juj provient de Al-Jaya'udju. Et cela vient d'Al-Udju qui signifie dans la langue arabe l'empressement et la précipitation et la grande vitesse et la rapidité. Et on dit que cela vient d'Al-Ajjatu, qui signifie le mélange et la forte chaleur. Quant à Ma'juj, cela provient de Ma'jayamuju, qui signifie le déferlement et l'envahissement. Et ainsi les savants ont dit que leur nom est en concordance avec leur état et leur comportement. Et ainsi ce sont des créatures parmi les humains qui se distinguent des gens par leur vitesse de déplacement et de précipitation, et par leur déferlement et leur envahissement, telle une mer qui devient déferlante. Ya'juj wa Ma'juj. Et en ce moment, ayyuha al-ikhwa, et c'est la réponse à la troisième question, sont-ils vivants? Na'am. Ils sont vivants de nos jours et ils sont présents sur terre. Et ils se trouvent en ce moment dans ce bas monde ad-dunya. Et ils essayent et ils tentent chaque jour de creuser et d'apparaître et de sortir aux gens, afin d'y semer le désordre et afin d'y installer la corruption. Sauf qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé un roi vertueux afin de construire et d'établir et d'instaurer entre eux et nous une barrière. Et ce roi n'est autre que Dhul Qarnayn. Écoute le Coran, ayyuha al-akh. et médite sur les versets d'Ar-Rahim Ar-Rahman qui nous racontent l'histoire de Dhulqarnayn, ce roi vertueux qui a conquis l'Orient et l'Occident et qui, lors d'une de ses conquêtes, afin d'élever la parole La ilaha illallah, il se trouva et il arriva dans un endroit. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, Hatta ida balara bayna saddayn. Jusqu'à ce qu'il arriva à un endroit situé entre les deux barrières, c'est-à-dire entre deux montagnes. Et les savants ont dit que cela se trouve dans le mont Caucase, situé entre deux mers, la mer Noire et la mer Caspienne, près de la Géorgie. Hatta ida balara bayna saddayn. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Jusqu'à ce qu'il arriva à cet endroit entre les deux montagnes, il trouva un peuple derrière ces montagnes qui ne comprenait presque aucun langage. Il ne savait pas parler, il ne savait pas répondre, et cela était dû à leur éloignement des gens. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين. Ce peuple, ces gens dirent, يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Certes, يأجوج ومأجوج sont des fauteurs de désordre sur terre et ils veulent semer la corruption sur terre. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Est-ce que nous t'accorderions un salaire, un tribut, de l'argent, une récompense, afin que tu instaures, et afin que tu établisses, et afin que tu installes et que tu construises une barrière entre nous et eux. Et regardez alors la réponse de ce roi vertueux, rahimahullah. Ce roi qui avait compris le remerciement à Allah, jalla wa ala, et le comportement d'un roi et d'un gouverneur juste. Il reporte et il accorde le bienfait au bienfaiteur, jalla wa ala. Il leur dit alors, قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٍ. Il leur dit, certes, ce qu'Allah Jalla wa Ala m'a conféré comme royaume est bien meilleur que ce que vous me proposez comme salaire, est bien meilleur que ce que vous me proposez comme récompense. Je n'ai guère besoin et je ne veux pas utiliser de votre argent. Naam, c'est un gouverneur juste qui n'abuse pas injustement des biens de son peuple. Un gouverneur juste qui n'abuse pas injustement des biens de ses gouvernés. Et c'est un gouverneur qui se comporte tel un père attentionné envers ses enfants. Non comme la plupart des gouverneurs de nos jours. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٍ فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ. Aidez-moi avec votre force. Pas avec votre argent. Aidez-moi avec votre force. Donnez-moi votre force. فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ. Accordez-moi votre force. فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Donnez-moi et accordez-moi votre force. J'installerai et je construirai un obstacle et un mur et un barrage entre vous et eux, c'est-à-dire entre vous et Ya'juj wa Ma'juj. فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. آتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ. Puis il leur dit, donnez-moi des blocs de fer. آتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ. Apportez-moi des blocs de fer. آتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ. حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا. Puis, lorsqu'il combla l'espace entre les deux montagnes, il leur dit souffler. C'est-à-dire qu'ils établirent et ils installèrent des blocs de fer les uns au-dessus des autres, jusqu'à combler l'espace entre les deux montagnes, en longueur et en largeur. Et lorsqu'ils eurent terminé, il leur dit souffler, c'est-à-dire installer un feu et souffler dessus afin qu'il prenne de l'importance. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. Et lorsque ce feu fut rendu comme une fournaise, حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. Apportez-moi du cuivre fondu afin que je le déverse dessus. Et alors ils lui apportèrent du cuivre fondu et il le déversa dessus. Et ceci devint alors une barrière et un mur et un barrage solide. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwa, une barrière dont la terre et dont les blocs sont de hadid, de fer, et protégée par du cuivre fondu. Et cela grâce à Allah Jalla wa Ala, par le soutien et la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala nous dit ainsi à la suite de cela, فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. En parlant de Ya'juj wa Ma'juj, ils n'ont pu alors ni l'escalader, ni les brécher, ni passer au-dessus ou en dessous, ni faire un trou dans cette barrière. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. Et regardez alors les premières paroles de Dhulqarnayn. Lorsqu'il a réussi et lorsqu'il est parvenu à établir et à instaurer cette barrière afin de séparer ces fauteurs de désordre et ces semeurs de corruption sur terre d'un peuple qui leur a demandé cela, il reporta et il remit le bienfait au bienfaiteur Jalla wa Ala. Et il montra son remerciement à son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et il fut reconnaissant envers son Créateur Jalla wa Ala. Il dit, « قال هذا رحمة من ربي. » Ceci est la miséricorde de mon Seigneur. Ceci est la miséricorde de la part de mon Seigneur. Qu'il nous a permis d'installer cette barrière. Qu'il nous a permis d'établir cette construction. Afin qu'il nous protège de ces fauteurs de désordre. Afin qu'il nous protège de ces semeurs de corruption sur terre. « قال هذا رحمة من ربي. » « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. » Puis il dit, « Lorsque viendra la promesse de mon Seigneur, c'est-à-dire lorsque viendra le jour du jugement, il le nivellera. Il l'anéantira cette barrière. Et il la détruira et elle disparaîtra. « جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا. » Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Ainsi dans le Coran, « أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ » et dans la parole d'Allah, « تَبَارَكَ وَتَعَالَى » Ceci est bien appuyé que Ya'juj wa Ma'juj sont présents sur terre et sont vivants sur terre. Et ceci a été également appuyé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Que Ya'juj wa Ma'juj sont présents sous la terre et ils ne cessent de creuser chaque jour afin de sortir. Selon Zaynab bint Jahshin, radiyallahu anha. Celle-ci nous dit, un jour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam rentra effrayé et rentra en colère et vint me voir et me dit, et il s'écria en disant, « Wa la ilaha illallah wa ilun lil arab min sharrin iqtarab. » Malheur aux arabes d'un mal qui vient de se rapprocher. Puis il dit, un trou de cette taille vient de se former dans la barrière de Ya'juj wa Ma'juj. Et il fit la taille entre le pouce et l'index. Un trou de cette taille vient de se former dans la barrière de Ya'juj wa Ma'juj. Et alors Zaynab dit, je lui dis, Ya Rasulallah, périrons-nous alors que se trouvent parmi nous des vertueux? Et il répondit, alayhi salatu wassalam, na'am, lorsque le vice se répandra, lorsque le désordre et la corruption se répandront en abondance. Ainsi Ya'juj wa Ma'juj essaye de nos jours de sortir et creuse chaque jour afin de sortir et d'apparaître aux gens. Écoute, ayyuhal akh, l'autre preuve, rapportée par l'imam Ahmed, et par l'imam Ibn Majah, et par l'imam Tirmidhi, et authentifiée par Sheikh al-Albani dans Silsilatu Sahiha, selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Ya'juj wa Ma'juj creusent chaque jour, et lorsqu'ils sont au point, et qu'ils sont proches d'observer les rayons du soleil, leur gouverneur et leur commandant leur dit, retournons chez nous, nous creuserons demain. Et alors Allah Jalla wa Ala rebouche leur trou encore plus solide qu'auparavant, jusqu'à ce que leur temps sera arrivé, et jusqu'à ce que le moment et leur heure de sortir et d'apparaître aura eu lieu. Ils creuseront, leur gouverneur et leur commandant leur dira, retournons chez nous, nous creuserons demain, Inch'Allah. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit alors, ils retourneront le lendemain et ils retrouveront le trou comme ils l'ont délaissé la veille et alors ils apparaîtront et ils sortiront aux gens. Imaginez-vous, ayyuha al-ikhwa, Ya'juj wa Ma'juj, sortir de ce trou. Al-Imam ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala nous dit, nous pouvons tirer trois profits de ce hadith. Le premier, Allah Jalla wa Ala a empêché Ya'juj wa Ma'juj de surmonter la barrière et également de passer en dessous. Le deuxième signe et le deuxième profit, Allah Jalla wa Ala n'a pas guidé Ya'juj wa Ma'juj afin de dire Inch'Allah et de sortir aux gens. Et le troisième est qu'à chaque fois qu'ils ont creusé et qu'ils n'ont pas dit Inch'Allah, Allah a rebouché le trou encore plus solide qu'auparavant. Wal-Hafidh ibn Hajar rahimahullah nous dit, nous pouvons tirer profit de ce hadith que Ya'juj wa Ma'juj possède des dirigeants et des gouverneurs. Et il possède des gens qui sont gouvernés et des gens qui sont gouverneurs et des gens qui obéissent au gouverneur. Et nous pouvons dire également qu'il y a des gens parmi eux qui croient en la volonté d'Allah. Et il nous dit également qu'il est fort probable que la parole du gouverneur lorsqu'il a dit Inch'Allah n'a pas été avec intention. Et qu'Allah Jalla wa Ala a exaucé cela du fait de la bénédiction et de la baraka qu'il y a dans ce mot. Allah Jalla wa Ala nous dit Hatta ida futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hanabi yansilun, jusqu'à ce que soit relâché ya'juj wa ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur et à toute vitesse. Ils se précipiteront et ils descendront de chaque hauteur et de chaque montagne avec une grande vitesse. واقترب الوعد الحق. La vraie promesse s'approchera alors. فإذا هي خاشية أبصار الذين كفروا. Le regard de ceux qui ont mécru seront alors figés. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Malheur à nous, les mécréants diront alors malheur à nous. Nous étions certes dans une insouciance de cela, nous étions inattentifs, mais bien plus nous étions des injustes. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani, selon Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit Ya'juj wa ma'juj sortiront, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, wa hum min kulli hanabi yansilun. Ils se précipiteront et ils descendront à toute vitesse de chaque hauteur. Et ils rempliront alors la terre, et ils se répandront sur terre. Les musulmans, lorsqu'ils verront cela, et lorsqu'ils se retrouveront dans cette situation, les musulmans seront alors contraints de rejoindre leur ville et leur refuge et leur quartier général. Et ils cacheront chez eux leur bétail, de peur. Et ils boiront, en parlant de Ya'juj wa Ma'juj, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et ils boiront l'eau de la terre, au point où certains d'entre eux passeront devant un fleuve et ils le boiront entièrement, jusqu'à ce que le fleuve reste sec. Jusqu'à ce que les derniers du groupe passeront auprès du fleuve et ils diront, il y avait certes de l'eau dans ce fleuve auparavant. Les musulmans seront alors dans un état de peur, et dans un état de frayeur, et dans un état d'épreuve. Et ils auront regroupé leur bétail afin de les préserver de ces fauteurs de désordre et de corruption. Ya'juj wa Ma'juj boiront les eaux des pluies. Boiront les eaux des fleuves et ils ne laisseront rien. Et ceci nous prouve de leur grand nombre. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, jusqu'à ce que tout le monde soit réfugié dans une ville ou un refuge. Dans un même endroit. Et alors, une personne parmi Ya'juj wa Ma'juj s'écriera et dira alors, nous en avons certes fini avec les gens de la terre. Il nous manque que les gens du ciel. Et alors Al-Habib al-Mustafa nous dit, l'un d'entre eux jettera sa lance dans le ciel. Et elle retournera alors couverte de sang. Jusqu'à la fin du hadith, cela nous prouve le nombre et la population de Ya'juj wa Ma'juj et les preuves. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an ibn radiyallahu an, un long hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, par ailleurs, les gens qui ont été éprouvés de la tentation d'Al-Masih et d'Ajjal, par Allah tabaraka wa ta'ala, reviendront auprès de Isa ibn Maryam. Celui-ci, c'est-à-dire Isa, essuiera leur visage en leur parlant de leur degré qu'ils les attendront au paradis. Et Isa ibn Maryam rencontrera ainsi le peuple qui aura été protégé et qui aura survécu et qui n'aura pas été tenté de la tentation d'Al-Messih et d'Ajjal. Et qui aura ainsi eu la foi nécessaire et la foi suffisante afin de supporter la tentation d'Al-Messih et d'Ajjal, car ils ont eu certitude et conviction en Allah Jalla wa Ala. Et Isa ibn Maryam essuiera leur visage en leur parlant de leur degré du paradis. Fallahu Akbar, Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam informera ces musulmans qui auront été sauvés par Allah Azza wa Jalla d'Al-Messih et d'Ajjal de leur degré au paradis. Il essuiera leur visage afin de dissiper leurs craintes et afin d'éliminer leurs peurs et afin de les tranquilliser de la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment même. Al-Habib al-Mustafa nous dit, et nous sommes encore dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, lorsque Isa sera arrivé à ce point-là, Allah Jalla wa Ala lui révélera les termes suivants. Et il lui dira alors, Amen, j'ai fait sortir des gens que personne ne peut combattre. Emmène alors mes serviteurs jusqu'au mont At-Tur. Emmène mes serviteurs et montez à la montagne de Tur, afin que cette montagne soit un refuge pour vous contre Ya'juj wa Ma'juj. Wal Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit alors, Allah Jalla wa Ala enverra alors et fera apparaître Ya'juj wa Ma'juj qui se dépêcheront et de toutes les hauteurs, qui se précipiteront et qui descendront de toutes les hauteurs. Les premiers arriveront au lac de Tibériade. ce lac de Tibériade qui se trouve en Palestine, ce grand lac, ils arriveront au lac de Tibériade. Ils le boiront alors entièrement. Ils le boiront entièrement jusqu'à ce que ce lac devienne sec. Puis le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons seront alors cernés. Ils seront alors encerclés. Ils seront alors bloqués dans le mont At-Tur, dans ce refuge. Ya'juj wa Ma'juj vont alors les encercler et les bloquer. Au point où la tête de taureau pour eux sera plus chère que son dinar. Et réfléchissez et méditez sur la parole, ayyuha l'ikhwa. Et sur la langue des Arabes. Cette langue qui n'est restée que par son nom, malheureusement. Car il ne reste de cette langue que son nom. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, au point où pour Isa et ses compagnons, la tête d'un taureau soit plus aimée et plus préférée que 100 dinars. Pourquoi? Car cela fait allusion à la très grande faim que auront ressenti Isa et ses compagnons. Ils se retrouveront ainsi dans ce blocus et dans cet endroit. Et je les encerclant, ils n'auront ainsi ni nourriture, ni subsistance. Ils seront plongés ainsi dans la famine. Na'am ayyuha l'ikhwa, ahasiban nas. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens croient que nous allons les laisser dire nous croyons et que nous n'allons pas les éprouver. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons certes éprouvé les gens qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah saura ceux qui se seront montrés véridiques et ceux qui se seront montrés menteurs. نَعَمَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ. Des épreuves. Ils seront ainsi plongés dans la famine et plongés dans la peur à cause de يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. Et alors, Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, Isa alayhi salam commencera alors par prêcher les gens, par prêcher ses compagnons, à exhorter son peuple, et à inciter son peuple, et à les appeler, à invoquer Allah Jalla wa Ala, à demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala, à supplier Allah Jalla wa Ala. Car il aura compris que lorsque nous nous trouvons dans une angoisse, et lorsque nous nous trouvons dans une épreuve, il faut absolument demander alors à notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Il va ainsi appeler son peuple, et inciter son peuple, à invoquer Allah, à supplier Allah, à demander Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Car il aura appliqué la parole d'Allah, Jalla wa Ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vous répondrai. إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Ceux qui se seront par orgueil, ceux qui auront refusé à m'adorer, c'est-à-dire à m'invoquer et à me demander, ils rentreront en enfer tous humiliés. Et car il aura appliqué et suivi la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا نَعَانِ. Lorsque les serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes proche et je réponds à celui qui me demande et qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Afin qu'ils soient bien guidés. Car il a suivi la parole d'Allah Azza wa Jal. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? نَعَمَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ. Isa va demander ainsi, va inciter ainsi, et va prêcher ainsi son peuple à demander à Allah Jalla wa Ala, à supplier Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ainsi, comme nous dit le poète, ô toi l'éprouvé, repousse tes soucis et délaisse les affaires au destin, et réjouis-toi de la durée, de la paix et de la sérénité, cela te fera certes oublier ton passé. Peut-être que la difficulté se dissipera, et peut-être que la facilité rétrécira. Allah fait certes ce qu'il veut, alors certes ne t'y oppose donc pas. Ô toi le déprimé, certes tout souci a une issue, annonce-toi la bonne nouvelle, car le secoureur est Allah. Lorsque tu es éprouvé, fais confiance en Allah, et accepte-le, celui qui ôte les épreuves n'est autre qu'Allah. Allah fait suivre, après la difficulté, une facilité. Ne te frais pas, car certes le sauveur n'est autre qu'Allah. Oui, Allah, et tu n'as personne autre qu'Allah. Allah te suffit. Pour toute chose, tu as Allah. Ayyuha al-mubtala. Ayyuha al-mubtala. Kun an humumika mu'rida. Wada'i al-umura ila al-qada. Wan'am bituli salamatin tuslika amma qad mada. Falarubbama attasa' al-madiq. Walarubbama dhaq al-fada. Allah yaf'alu ma yasha. Fala takun min al-muta'arrida. Ya sahib al-ham. Inna al-ham munfarijun. إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، فلا تجزعن فإن الكاشف الله. والله ما لك من الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. Ainsi Isa عليه الصلاة والسلام incitera les gens à invoquer Allah et à demander à Allah et à supplier Allah contre cette épreuve. Car certes Allah n'est autre le seul secoureur. Et c'est lui le seul qui résout les problèmes et qui donne les issues à toute solution et à tout problème. Et à ce moment-là, l'appel sera entendu. L'appel sera entendu par celui الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يعلم السر وأخفى. Celui à qui rien n'échappe dans les cieux et dans la terre. Celui qui connaît les secrets même les plus cachés. Et Allah exaucera alors. Et Allah répondra alors à la vocation de Isa alayhi salam et de ses compagnons avec lui. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Al-Habib al-Mustafa nous dit alayhi salat wa salam. Et nous sommes encore dans le hadith d'An-Nawasid al-Sam'an. C'est alors qu'Allah jalla wa ala al-Aziz al-Jabbar. Alladhi ala kulli shay'in qadir. On verra alors des vers. An-Naraf. Des vers. Les vers qui s'installent à l'intérieur des narines des chameaux et des ovins. Il en verra alors des vers. Se propageront alors sur le corps de Ya'juj wa Ma'juj. Sur leur cou. Et ils mourront alors ensemble comme une seule âme qui vient de mourir. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et ne connaît les troupes et les soldats d'Allah que lui-même. Ils mourront alors. Mais avec cela, les musulmans seront toujours apeurés et effrayés dans leur ville et dans leur refuge. Leur bétail sera toujours regroupé auprès d'eux. Nous revenons au hadith de Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Ibn Majah, et authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Ya'juj wa Ma'juj périront alors et mourront jusqu'à ce que l'on n'entende plus de bruit de leur part. Ils auront été anéantis par Allah Azza wa Jal. Et les musulmans diront alors, qui est-ce qui oserait sortir du refuge afin de voir ce qu'a fait l'ennemi? Et alors quelqu'un se proposera et il demandera la récompense auprès d'Allah, car il pensera que s'il sortit, il va mourir. Et il va se faire tuer par Ya'juj wa Ma'juj. Et lorsqu'il sortira, il trouvera Ya'juj wa Ma'juj, leurs corps entassés les uns sur les autres, et il criera alors aux musulmans, Ya Ma'shar al-Muslimin, je vous annonce la bonne nouvelle, je vous annonce la bonne nouvelle, Allah nous a suffi de notre ennemi. Et dans la version d'An-Nawas ibn Sam'an radiallahu an, dans le recueil authentique de l'imam muslim, le prophète alayhi salat wa salam nous dit ensuite, Isa alayhi salam et ses compagnons descendront sur terre, et où ils ne trouveront pas un seul empan d'espace. C'est-à-dire pas un seul espace non rempli de la graisse et de la puanteur et de l'odeur et des cadavres de Ya'juj wa Ma'juj. Pourquoi? Car ils sont tellement nombreux et car ils se sont tellement multipliés sur terre qu'il n'y aura plus de place sur terre. Leurs cadavres et leur odeur se répandront alors en grand nombre. Leurs cadavres et leur odeur se répandront alors en grand nombre sur terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans la version d'Abi Saïd, les musulmans sortiront alors de leur refuge et feront sortir leur bétail. Celui-ci, c'est-à-dire leur bétail, ne trouvera rien afin de paître et afin de manger que les cadavres de Ya'juj wa Ma'juj. Le bétail mangera alors de Ya'juj wa Ma'juj, comme s'il mangeait les meilleures plantes tellement il était plongé dans la famine. Il mangera des cadavres par l'ordre et la permission d'Allah Azza wa Jal. Puis le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith d'An-Nawas, lorsqu'il ne restera pas un seul empan d'espace, pas un seul espace, et que l'odeur sera répandue, et que le cas des gens et l'affaire des gens sera devenu difficile de vivre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Isa alayhi salam et ses compagnons invoqueront encore Allah jalla wa ala une nouvelle reprise. Allah jalla wa ala enverra des oiseaux à des coups pareils à ceux des chameaux, en longueur et en largeur, qui porteront les cadavres de Ya'juj wa Ma'juj, là où Allah leur ordonnera. Et dans la version de l'imam Ahmed, puis Allah enverra sur eux une pluie qui les emportera dans les mers. Et il débarrassera ainsi l'humanité entière de ce trouble et de cette tentation et de ce peuple fauteur de désordre Ya'juj wa Ma'juj. C'est ainsi qu'Allah Jalla wa Ala fait disparaître Ya'juj wa Ma'juj et sauve Isa alayhi salawatullahi wa salamuh ainsi que les croyants avec lui. As'alullah Jalla wa Ala an yunajjina min hadihi al-fitna wa an yarzuqana al-ikhlas wa s-sawab fi al-qawli wa al-amal Et en tenant ces propos, je tiens à implorer son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, أبخيك الله تبارك وتعالى أنيانتي le peuple de يأجوج ومأجوج à l'aide de ce type de vers que l'on appelle النغف, qui atteindra leur coup et qui les anéantiront et qui les tueront comme si ce n'était qu'une seule âme. Après qu'Allah Jalla wa Ala ait reposé l'humanité entière de leur corps et de leur odeur, Allah fera hériter les musulmans de leurs équipements et de leurs armes. Écoutez cet étonnant hadith, rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, selon An-Nawas ibn Sam'an ibn radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les musulmans hériteront des arcs de Ya'juj wa Ma'juj ainsi que de leurs flèches pendant 7 années. C'est-à-dire que ces armes leur resteront pendant 7 années. Et cela nous prouve du nombre très important de Ya'juj wa Ma'juj. Et dans le hadith, il y a sûrement la preuve, et cela nous l'avons dit dans le discours précédent, dans un discours précédent, lorsque nous avons parlé de la grande bataille entre les musulmans et les romains, et la victoire des musulmans à Istanbul, Constantinople. Lorsqu'ils auront récupéré leur butin et accroché leurs épées et leurs sabres aux oliviers, nous avions dit que l'humanité retournerait de nouveau en arrière. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Toute cette avancée technologique et tous ces progrès modernes seront voués à disparaître. Elle sera détruite elle-même afin que les gens reviennent aux premières armes et aux premiers équipements, tels les arcs, les flèches, les épées et les sabres. Et vous savez vous-même que, wallah, s'il y a une pénurie et un manque de pétrole et de gaz sur terre, les gens reviendront aux ânes et aux chevaux. Et cela se produira par l'ordre de Malik al-Muluk, alladhi ala kulli shay'in qadir. Afin de rendre véridique la parole d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salawatullahi wa salam, cette avancée technologique et ce progrès sera voué à disparaître. Et après cela, après la disparition de Ya'juj wa Ma'juj, la vie sera agréable. La vie sera agréable sur terre. Et les gens seront pourvus de biens et de richesses. Écoutez, selon hadith, selon An-Nawas ibn Sam'ani radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim dans son recueil authentique, le prophète alayhi salatu wa salam dit, puis Allah jalla wa ala fera tomber une pluie battante à laquelle ni maison solide ni tente ne pourra résister. Allah jalla wa ala fera tomber une pluie battante à laquelle ni maison solide ni demeure forte, ni tente ne pourra résister. Allah Jalla wa Ala, par cette pluie, nettoiera et purifiera la terre, de sorte que celle-ci devienne aussi pure qu'un miroir. Aussi pure qu'un miroir. Puis on s'adressera à la terre et on dira, fais pousser tes fruits et rends ta bénédiction. Et écoutez, ayyuha al-ikhwa, le prophète alayhi salatu wa salam dit alors, ce jour-là, le groupe de personnes, al-jama'a, pourra manger d'une seule grenade. Et il pourra s'abriter dans l'ombre de l'écorce de cette grenade, du fait de la bénédiction de la terre. Un grand groupe de personnes pourra se nourrir du lait de la chamelle, d'une seule chamelle qui viendra d'accoucher. La vache venant d'accoucher suffira à nourrir une tribu entière de son lait. Et la brebis qui aura récemment enfanté suffira à nourrir quelques personnes de son lait. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Daylami, authentifié par Sheikh al-Albani, dans Sahih al-Jami', selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, quelle belle vie certes après le Messie. On ordonnera au ciel de faire pleuvoir. Et on ordonnera à la terre de faire pousser, jusqu'à ce qu'une personne place une graine sur un rocher, cette graine poussera. Bi-idnillahi azza wa jal. Et au point où l'homme passera devant le lion, il ne lui fera rien. Et au point où l'homme marchera sur le serpent, il ne lui fera rien. Il n'y aura ni jalousie, ni haine, ni avarice, ni injustice, ni hostilité. Et dans la version de l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh Al-Albani, selon Abi Umamah Al-Bahili radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith où il cita la vie agréable après Ya'juj wa Ma'juj, et pendant Al-Khalifa de Isa alayhi salam avec lequel Allah jalla wa ala renouvelera l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et le poison de toute créature sera ôté de ceux qui possédaient un poison. Ainsi, aucun animal ne possédera de poison, ni scorpion, ni serpent, qui ne lui fera aucun mal, au point où l'enfant fera entrer sa main dans la bouche d'un serpent, et il ne lui fera aucun mal. Au point où l'enfant frappera le lion, et il ne lui fera aucun mal. Il n'y aura que de la paix, de la tranquillité, de la sérénité sur terre. Au point où le loup sera dans le troupeau des brebis, tel leur chien de berger. Et telle est la parole d'Alladhi la yantiqou anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Une parole de celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qu'on lui inspire. Une parole à laquelle il faut obligatoirement croire, ayyuhal ikhwatul kiram, au point où le loup sera dans le troupeau des moutons et des brebis, tel leur chien de berger. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit, au point où la parole ne sera qu'une. On n'adorera qu'Allah. Et la terre sera remplie de paix et de tranquillité comme un verre rempli d'eau. Quraysh n'aura plus de royaume. Puis la terre sera aussi pure qu'elle fidda, que l'argent. Ces plantations seront comme autant de Adam alayhi salam, au point où un groupe de personnes sera rassasié avec une seule grenade et avec une seule grappe de raisin, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, et au point où le taureau sera à une telle ou une telle somme et le cheval de quelques dirhams. Et Isa alayhi salatu wassalam restera ainsi 40 années sur terre. Comme il a été rapporté dans les sunnans de l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra, Isa restera sur terre 40 ans. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Isa, exhortera les gens et appellera les gens à rester avec lui, comme il a été cité dans le musnad de l'imam Ahmed, et les sunnans de l'imam al-Nasa'i selon Thawban radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, deux groupes de ma communauté seront sauvés de l'enfer par Allah, tabaraka wa ta'ala. Un groupe ira en Inde, et un groupe restera avec Isa ibn Maryam. Et dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, avec une chaîne de transmission authentique selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, celui d'entre vous, il leur a dit alayhi salatu wassalam, celui d'entre vous qui rencontre Isa ibn Maryam, qu'il lui passe le salam de ma part. Ensuite, Isa alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, partira effectuer le pèlerinage à la mosquée sacrée d'Allah à Mecca, Masjid al-Haram, comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main, Isa ibn Maryam, dira et prononcera At-Talbiyah a-Rawha, un endroit entre Mecca et Al-Madina, et il fera Al-Hajj ou Al-Umrah, ou bien les deux. Et il effectuera ainsi le pèlerinage, et après ceci, Allah Jalla wa Ala lui décrétera la mort. Allah Jalla wa Ala mettra la mort et mettra fin à la vie de Isa alayhi salam, alladhi kataba ala jami'i khalqihi al-maut. C'est la finalité de toute créature. Toute créature sera vouée à la mort. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Nous n'avons accordé l'éternité à aucune créature avant toi. Afa in mitta fa humul khalidun. Si toi tu meurs, ya Rasulallah, est-ce que eux ils seront éternels? Kullu nafsin da'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. Wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Et nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre de tentation et d'épreuve. Wa ilayna turja'un. Et vers nous vous serez ramenés. Et comme dit le poète, tout pleureur sera certes pleuré, et tout crieur on criera sur lui, et tout cité sera délaissé et oublié, et tout puissant sera épuisé. Personne ne pourra rester en dehors d'Allah. Celui qui s'élève, Allah sera plus élevé. Kullu bakin fa sayubka. Wa kullu na'in fa sayun'a. Wa kullu madhkurin fa sayansa. Wa kullu madhkurin fa yafna. Laysa ghayru Allah yabqa. Man 'ala fa Allahu a'la. Et comme nous dit le poète également, ô toi le serviteur, combien de fois te voit Allah désobéissant, assidu à cette vie de ce bas monde, et la mort oubliant et délaissant? As-tu oublié la rencontre d'Allah? Et as-tu oublié la tombe et la mort? Et le jour où l'enfant aura des cheveux blancs, si l'homme ne s'habille pas de la piété, il marchera nu, même s'il est habillé. Et si cette vie pour quelqu'un, elle dura, le messager d'Allah, vivant il serait, et elle est éphémère ainsi que ses bienfaits. Et les péchés resteront comme s'ils étaient. Aïe Abdou, كم يراك الله عاصيا حريص عن الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله ولحت والثرى ولحت والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا ولو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عيسى عليه صلوات الله وسلامه مغى أنسي كم مغى تتكاتي إكام مغى رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. Tout le monde mourra sur terre, qu'il soit prophète, qu'il soit serviteur, qu'il soit gouverné ou gouverneur, qu'il soit injuste tyran ou qu'il soit honnête et généreux. نعم أيها الإخوة أين فرعون وأين هامان وأين قارون وأين رسول الله عليه الصلاة والسلام أين موسى وعيسى كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître et ne restera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. نعم أيها الإخوة restera ainsi الحي الذي لا يموت, le vivant qui ne meurt pas, تبارك وتعالى. عيسى مغى. Et les musulmans prieront sur lui. Les musulmans prieront sur Isa alayhi salatu wassalam. Et vous serez étonnés si nous vous disons que l'imam al-Bukhari, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Tabarani, l'imam al-Qastalani, l'imam al-Safarini et d'autres parmi les savants et les imams et les prédécesseurs ont approuvé le fait que Isa alayhi salam sera enterré dans Hujratul Sharifa, dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, aux côtés du meilleur des prophètes et de l'imam des pieux, sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, ainsi que son frère, ainsi que son maître, ainsi que son imam, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa sallam. Ainsi, voilà comment Isa alayhi salam mourra. Le troisième signe de la fin du monde est ainsi terminé, avec la mort de Ya'juj wa Ma'juj, puis celle de Isa alayhi salawatullahi wa salamuh. Il nous reste ainsi encore des propos et des paroles. Quant au grand signe de la fin du monde, tel que les tremblements de terre, tel que le grand feu qui sortira, tel que Dabba, la grande bête, et tel que Dukhan, la fumée, la suite à Yohlikhwa, lors de nos prochaines semaines, lors de notre prochain discours, bi'idnillahi azza wa jal, fa'as'alullah jalla wa ala, an yarzuqana l'ikhlas wa sawab, fil qawli wal amal, wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al qawl, fayattabi'una ahsanah, ulaika alladhina hadahumullah, wa ulaika hum ulul albab. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique ne peut provenir que d'Allah seul. Et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à invoquer Allah et à lui demander d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées. Et à préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et à accorder sa bénédiction à son noble messager. Ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation. Que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.